everybody. veut aussi retourner pour assurer la descendance. Si on nous reconnaît plus, les vieux de la vieille savent. Chez nous, y'a plus de partageurs que de mecs rares, on maîtrise. Ça sort les corps et les motos crochent. Et ça fout le bordel dans nos photos bonnes. La presse plus d'amour, c'est sûr et certain. Qui nous doit bien s'être tourné par les autres mêmes. Balance pas, tu veux pas que je vienne tomber. Sauf que c'est chez nous. On peut n'importe quoi. fonce à la roue, les gars. Tire sur le tri, les tailles. Tire sur le chiffre, le gâteau. C'est lui, elle fait tête à poule. Voilà, on tu es le genre de femme, tu me plais, lorsque je t'ai rencontré. C'est une belle fille, elle grave de moi. Je me suis battu pour te mettre en confiance. Dans ma présence, tu te lâches. J'ai sorti le grand jeu pour te faire kiffer. Je voulais te plaire autant que tu plais. Je voulais te faire rêver, j'ai fait comme si j'étais le mec parfait. Pour te séduire sans pitié, j'ai mis toutes tes armes de mon côté. Tu as des formes si belles et si sauvages. Face à elle, faudrait mettre tous les hommes en place. Je te suis comme un chien. Je ne t'ai pas dit que dans ma vie. océan. We'll be right back. Fais-le, fais-le.